Chapitre 14e. En voyant M. de Lucilière chaque jour, en traitant avec lui fréquemment des questions d'affaires, le colonel avait peu à peu appris à le connaître. À le regarder, à l'étudier, on ne pouvait s'empêcher de le comparer à ses articles de Paris, à ses bibelots, qui au premier coup d'œil paraissent charmants et qui en réalité ne sont bons à rien. À quoi diable le marquis serait-il propre s'il n'était pas monsieur le marquis de Lucilière ? Se demandait quelquefois le colonel, et il ne trouvait pas de réponse à cette interrogation. Si l'on cherchait à savoir ce qu'il pensait, ce qu'il croyait, on n'arrivait pas davantage à un résultat. Ni foi religieuse, ni foi politique, le scepticisme ou plutôt l'indifférence la plus complète. Ces choses-là n'existaient pas pour lui, ça manquait d'actualité, ce n'était pas la peine de s'en préoccuper, de s'en embarrasser. D'instinct, il était pour la tradition, mais tout prêt cependant à accepter ou à subir ce qui était le moins conforme aux principes traditionnels. Il l'avait bien prouvé en se laissant faire chambellan, alors que la cour des Tuileries tâchait de trouver quelques grands noms pour couvrir les aventuriers et les déclassés dont elle devait payer les services. Qui obligeait le descendant des Lucilières à s'enrôler dans cette troupe ? Absolument rien. Et cependant, pour de très médiocres avantages, il s'était laissé faire. N'ayant de haine ni de mépris pour rien ni pour personne, il était facile aux complaisances et aux concessions. Que lui importait ? Après tout, ces gens-là étaient portés par le succès, et il avait une certaine considération pour tout ce qui réussissait. Lorsqu'on l'avait bien tourné et retourné et examiné sous toutes les faces, lorsqu'on avait ausculté son cœur, mesuré son cerveau, comparé entre elles les diverses forces qui le dirigeaient, on arrivait à cette certitude qu'il n'y avait en lui qu'un mobile, qu'une passion, l'intérêt personnel se résumant dans une seule chose, l'argent. Cependant, cette découverte ne l'expliquait pas entièrement, car cette passion du gain eût dû le jeter dans le mouvement financier, et avec son nom et sa fortune patrimoniale, il eût été facile de s'y faire une grande situation. Or, cette situation, il ne l'occupait pas, et il n'avait jamais pris part aux grandes opérations financières ou industrielles de son temps. Au contraire, il s'en était tenu prudemment à l'écart, et il ne s'était jamais occupé que de petites affaires, que de spéculations plus ou moins avouables, mais dans lesquelles, les risques pour lui étant nuls, les bénéfices étaient certains et relativement considérables. C'était ainsi qu'il avait fondé son écurie de course qui, prudemment administrée, habilement dirigée, trop habilement même, disaient quelques personnes, était entre ses mains non une distraction mais une excellente affaire qui, chaque année, que ses chevaux eussent été victorieux ou battus, lui rapportait de gros bénéfices. Quelques rivaux ou des envieux insinuaient, il est vrai, qu'il n'aurait pas voulu d'un argent gagné par les moyens que le marquis employait. Mais celui-ci ne prenait pas souci de ses propos. Il n'y avait qu'une chose qu'il méprisa en ce monde, c'était l'opinion publique. Il avait l'argent, le reste importait peu. Lorsqu'on était arrivé à ce point dans l'étude de ce caractère, on constatait que la passion du gain, unique mobile des actions et des idées du marquis, n'avait qu'un seul but, le gain pour le gain, l'argent pour l'argent lui-même, et non pour les jouissances qu'il peut donner. C'est-à-dire que M. de Lucilière était un avare et n'était qu'un avare. Tel il était en effet. Ce fut peu à peu que le colonel arriva à cette conclusion, tant il lui paraissait invraisemblable qu'un homme tel que le marquis, avec son nom, ses habitudes, ses relations, pût être un avare. Pour lui, l'avare, c'était Shylock, Harpagon ou Grandet. Un être vieux, laid, mal élevé, ayant la passion de l'argent, parce que toute autre passion lui était interdite. L'avarice, c'était le dernier vice d'une nature épuisée, qui n'a plus de force, pour caresser des pièces d'or ou chiffonner des billets de banque. À 80 ans, on avait le droit d'être avare. Un paysan, même jeune, pouvait être avare. Mais le marquis n'avait pas 80 ans et il n'était pas paysan. Élevé par des parents qui, pendant ses premières années, étaient plutôt pauvres que riches et qui travaillaient péniblement pour vivre, le colonel n'avait pas été habitué à voir adorer l'argent comme un dieu. Ce que ses parents gagnaient, il le dépensait utilement. Plus tard, quand la fortune était venue, une fortune extraordinaire, miraculeuse, il n'avait pas vu son père songer une minute à capitaliser cette fortune ou chercher à l'accroître par des spéculations. Trop simple pour dépenser pour lui-même la centième partie de ce qu'il gagnait. Il employait chaque année des sommes considérables en fondations utiles à tous. à Philadelphie, à Pittsburgh et dans plusieurs villages de la Pennsylvanie, il y avait de nombreuses institutions richement établies et richement dotées qui portaient le nom de Chamberlain, l'ouvrier parisien. Pour lui, devenu maître de cette fortune par la mort de son père, il avait tout naturellement continué les traditions paternelles, sans avoir l'idée qu'il pouvait faire autrement, et convaincu qu'on est assez riche quand les dépenses n'excèdent pas les recettes. Aussi l'avarice du marquis était-elle pour lui une cause d'étonnement toujours nouveau. Ses revenus étaient plus que suffisants pour le train de maison qu'il avait adopté. Il n'avait qu'un enfant qui, recueillant sa fortune entière, ajoute à celle de Madame de Corcy, sa grand-mère, serait un jour dans une très belle situation. Pourquoi vouloir toujours gagner? C'était donc une manie. Quoi qu'il en fût des causes de cette manie, il y avait un fait positif, avéré, c'est qu'elle existait. Mieux on connaissait le marquis, mieux on voyait jusqu'où elle pouvait l'entraîner, et tout ce qu'elle pouvait lui suggérer d'extraordinaire et même aux yeux du colonel d'invraisemblable. 100 fois, il avait été témoin de faits qui l'avaient stupéfié, lorsqu'un jour il fut non seulement témoin, mais encore parti dans une scène qui lui montra ce qu'était vraiment cet homme et ce qui se cachait sous ses dehors séduisants, sous cette politesse de manière, sous cette amabilité, sous cette distinction de langage. Il était venu le matin chez le marquis et ils étaient sortis à pied ensemble. Madame de Lucilière, qui était légèrement souffrante, gardait la chambre. Il n'avait donc pas pu la voir. Après avoir cheminé durant quelques instants à côté du marquis, qui se dirigeait vers l'intérieur de Paris, le colonel l'avait quitté en disant qu'il allait passer la journée à Saint-Cloud. Le nom de Saint-Cloud lui était venu à l'improviste, car il n'avait nullement affaire à Saint-Cloud, son intention réelle étant de retourner à l'hôtel de la rue de Courcelles pour voir la marquise et passer quelques instants près d'elle. Saint-Cloud avait été une raison à donner au marquis pour le quitter, et il s'était lancé dans ce mensonge comme il arrive bien souvent aux amants, qui, subitement pris d'une envie folle d'embrasser leur maîtresse, inventent les histoires les plus ridicules et s'embarquent dans les aventures les plus imprudentes. Il n'avait pensé qu'à une chose, voir sa chère Henriette. Il était donc revenu rue de Courcelles à grands pas, et il avait forcé la consigne, à laquelle d'ailleurs la femme de chambre, qui savait à quoi s'en tenir, n'avait pas tenu bien rigoureusement. « Si monsieur le colonel tient à voir madame la marquise, s'était dit Sophie, c'est qu'il a ses raisons pour cela. » Et elle avait été prévenir sa maîtresse, qui aussitôt avait reçu le colonel avec empressement. « À vous, cher ami. » « Je suis sorti tout à l'heure avec le marquis, mais le quittant en route, je lui ai dit que j'allais passer la journée à Saint-Cloud. Alors je suis accouru ici. J'avais besoin de vous voir, de savoir. Comment vous trouvez-vous ? » « Un peu fatigué seulement. Voilà pourquoi je ne suis pas sorti. Mais il faut que je vous gronde. Encore un enfantillage. »« C'est un enfantillage de vouloir vous voir. » »« C'est un enfantillage d'employé de Paris moyen, quand vous pouvez me voir tout naturellement. Et comment cela ? Pourquoi, au lieu de sortir avec le marquis, ne m'avez-vous pas fait demander ostensiblement si je pouvais vous recevoir ? Vous ne doutez pas, n'est-ce pas, que j'aurais répondu affirmativement. Vous auriez laissé le marquis sortir, et vous seriez monté chez moi, tandis que toute cette invention n'est ni légitime ni adroite. Que voulez-vous ? Je n'ai vu qu'une chose, un seul instant à passer près de vous, et je n'ai plus réfléchi. Il est heureux encore que je n'ai pas inventé un prétexte plus maladroit. Dès là que vous vouliez un prétexte, celui-là n'est pas trop mauvais. À une condition cependant, c'est que le marquis ne rentre pas. Il ne rentrera pas, il a des affaires pour toute la journée. Et si ces affaires ne se font pas, vous conviendrez que cela est possible. Voulez-vous que je vous quitte ? Non, certes, puisque vous êtes là resté. Seulement une autre fois, n'usez pas de pareils moyens, je vous en prie. Les minutes, les heures s'écoulèrent vite, comme toujours lorsqu'ils étaient ensemble. Tout à coup, une petite chienne nommée Zizi, qui était endormie sur un fauteuil, se mit à aboyer joyeusement. Cette petite bête, fort jolie, toute mignonne et toute blanche, était un animal fort intelligent, qui avait un talent singulier. À sa façon d'aboyer, on pouvait, avec un peu d'habitude, reconnaître qui entrait dans l'hôtel, bien entendu, alors qu'il s'agissait de personnes qu'elle connaissait et voyait fréquemment. Ainsi, une série de jappements joyeux annonçait sûrement l'arrivée du marquis pour lequel elle avait beaucoup d'affection. Si elle grondait sourdement, c'était le prince Seratov qu'elle n'aimait guère. Si elle se jetait sur la porte en aboyant avec fureur, c'était Serkis Pacha, qu'elle détestait du plus profond de son âme de chien. Pour le duc de Mestosa, qui lui était indifférent, elle se contentait d'un appel. Enfin, lorsqu'elle avait senti Lord Ferguson ou le colonel Chamberlain, pour lesquels elle avait une certaine sympathie, elle la voyait doucement en tapant de la queue. Encore était-il facile de distinguer lequel des deux elle annonçait ainsi. Les battements de queue étaient plus précipités pour Lord Ferguson, qui était plus ancien dans son amitié. « Le marquis, » dit Madame de Lucilière. Mais cet avertissement n'était pas utile. Le colonel avait reconnu qui la chienne annonçait. « Je ne puis cependant pas me montrer, » dit-il vivement. « Vous voyez combien votre invention a été fâcheuse ? Ah, ne me le dites pas. Je ne veux pas vous faire de reproches. Avisons plutôt à sortir d'embarras si le marquis veut me voir, ce qui est probable. Que faire ? Passez dans mon cabinet de toilette et fermez la porte qui ouvre sur le corridor. C'est par là seulement que pourrait vous surprendre Sophie. Quant au marquis, je vous promets qu'il n'entrera pas. Seulement, je voudrais que vous fussiez pris d'une envie invincible de tousser ou d'éternuer, pour vous apprendre à ne plus nous exposer un pareil embarras. Allez vite, voici Zizi qui quitte son fauteuil. Le marquis vient me voir. » Le colonel n'eut que le temps de passer dans le cabinet de toilette dont il ne put pas même refermer la porte car le marquis entrait. « Vous êtes seul ?» demanda le marquis. « Avec qui voulez-vous que je sois ?»« Ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre ma question. J'ai voulu seulement constater que vous étiez seul et en même temps, j'ai voulu marquer que j'en étais bien aise. C'est pour vous, en effet, que je suis entré. Vous êtes trop aimable. J'avais à vous entretenir d'affaires en particulier. Je suis souffrante et j'ai peu la tête aux affaires en ce moment. Ne serait-il pas possible de remettre cet entretien à une autre heure ?»« C'est impossible. » Je vous en serai reconnaissante. Lorsque vous saurez de quoi il s'agit, vous verrez que je ne peux pas me rendre à votre désir. Cependant, je vous répète, dit le marquis, dont la voix, jusque-là moelleuse, prit une intonation rude, qu'il s'agit d'une affaire sérieuse. Et j'ajoute qu'il vous concerne personnellement, exclusivement. Alors, puisqu'il m'est personnel, je demande que nous la remettions à demain. Elle vous sera personnelle lorsque j'aurai remis sa solution entre vos mains. Jusque-là, je m'en trouve chargé, et il ne me convient pas de garder ce fardeau, qui est lourd, plus longtemps, puisque vous êtes seul. » Il sembla au colonel que ce mot était prononcé avec une intonation étrange et avec une sorte d'insistance. « Puisque vous êtes seul, le moment est favorable pour terminer cette affaire. D'ailleurs, plus tôt vous en serez chargé, mieux cela vaudra pour vous. » Le colonel n'avait nulle envie de connaître les affaires de Madame de Lucilière, mais il ne pouvait pas quitter le cabinet de toilette et il ne pouvait pas non plus empêcher ses oreilles d'entendre ce qui se disait à haute voix dans la pièce voisine. « Je viens de chez Faugerolles, » commença le marquis. « Depuis longtemps, je voulais faire cette visite, et je la différais toujours, par suite de ce sentiment qui nous porte souvent à fuir les mauvaises nouvelles. Je me doutais en effet que les nouvelles que j'apprendrais là seraient fâcheuses. Je ne me trompais pas. Fâcheuses, en effet, ont été les révélations qui ont répondu à mes questions. » Plus fâcheuse même que je ne prévoyais. Et sur quoi ont porté ces révélations fâcheuses ? Sur votre note. Ah ! Faugerolles vous a communiqué ma note. Voilà qui est étrange et qui, de sa part, m'étonne beaucoup. Il y eut dans ces trois mots de sa part une allusion pleine de dédain qui frappa le colonel et lui causa une certaine satisfaction. Elle jugeait bien son mari. Faugerolles, continua le marquis, a commencé par chercher des faux fuyants. Puis après s'être longtemps débattu, il m'a dit que c'était Madame la Marquise de Lucilière qui lui avait fait ses commandes, que c'était elle qui jusqu'à ce jour l'avait payée, et que c'était à elle seule, qu'il devait communication de sa note si elle la demandait. Vous conviendrez que j'aurais pu me fâcher d'une pareille réponse. Je n'en fis rien, cependant. Je me contentais de représenter à l'illustre Faugerolles que sa réponse n'était pas polie, ce qui pouvait n'avoir que peu d'importance, mais que de plus elle était maladroite et dangereuse, ce qui devenait beaucoup plus sérieux, surtout au point de vue de ses intérêts. Et j'expliquai à ce fameux costumier, qui connaît mieux la toilette que la loi, qu'en cas de contestation sur cette note, ce qui pouvait bien arriver, il serait bien grave de dire à un tribunal qu'il avait refusé au mari communication de la note de la femme. Comme je le prévoyais, cet argument direct le toucha. Il s'adoucit, me promit de m'envoyer sa note, ce que je ne voulais pas, car ce serait une note telle qu'elle est assurément fausse. Et enfin, acculé dans ses dernières défenses, il se décida à me laisser prendre connaissance de votre compte sur ses livres même. Ce que je voulais, bien assuré d'avoir là et là seulement, la vérité entière. Vous me suivez, n'est-ce pas ? Parfaitement. Mais comme je sens ce que vous allez me dire, je vous prie de ne pas continuer. et moi je vous supplie de m'écouter, car je ne crois pas que vous sentiez ce que je vais vous dire. Ce que vous prévoyez, n'est-ce pas, c'est que je vais vous donner le chiffre de ce que vous devez. Je crois que vous aimez autant ne pas l'apprendre. Je vous supplie de n'en pas parler. Désolé de ne pouvoir pas vous obéir. Mais c'est sur ce chiffre même que roule tout ce que j'ai à vous dire. Votre note pour l'année courante s'élève déjà à 153 455 francs, sur lesquels vous n'avez rien payé, attendu que les paiements que vous avez effectués en différentes fois ont été imputés sur votre note de l'année dernière, qui est loin d'être entièrement payée, je le sais. Savez-vous aussi que sur cette note, vous restez devoir 68 931 francs? Or, si nous additionnons 68 931 francs et 153 455 francs, nous trouvons que vous devez à Faugerolles 222 386 francs. Il se fit un moment de silence, mais bientôt le marquis reprit. Lorsqu'il était convenu entre nous que je vous abandonnerais l'administration votre fortune totale, il était bien entendu, n'est-il pas vrai, que vous payeriez vos dépenses personnelles. Or, la dette de Faugerolles est par excellence une dette personnelle, faite par vous, pour vous. Cependant, elle n'est pas payée. J'ai perdu de l'argent cette année dans plusieurs affaires où je devais en gagner. Oui, je sais. Vous avez même perdu des sommes considérables aux courses, ce qu'il vous était facile d'éviter en ne faisant que des opérations sur mes chevaux. Je ne fais pas de paris à coup sûr, et moi je ne fais que cela. Mais ne discutons pas ce point. Il y en a un plus important à vider entre nous. Ce n'est pas seulement pour vous révéler le chiffre de votre dette que j'ai entrepris cette explication, pénible autant pour moi qu'elle peut l'être pour vous. J'ai un intérêt sérieux qui me force à parler. Vous comprenez, en effet, vous qui possédez à un si haut point le sens des affaires, que ma situation est des plus mauvaises. Ainsi, à ne prendre qu'une hypothèse dont la réalisation est bien peu probable, mais néanmoins possible, qu'arriverait-il si j'avais la douleur de vous perdre? Vous êtes plus jeune que moi, pleine de force, de santé, je le sais, et c'est précisément parce que je le sais que je puis aborder ce sujet. Il arriverait, n'est-ce pas, que je devrais payer ces 222 386 francs, qui ne seraient plus votre dette personnelle mais la mienne. Cela est-il juste? Je ne vous fais pas l'injure d'attendre votre réponse. Il ne faut donc pas que cela puisse arriver. Aussi, je désire, j'entends, que d'ici à 8 jours, vous ayez payé Faugerolles. De plus, je désire aussi que d'ici à 1 mois, vous ne deviez plus rien à votre bijoutier ni à votre modiste. Sans doute, je sais que cette exigence va vous mettre dans un certain embarras. Mais que voulez-vous? Je ne peux pas rester plus longtemps en face d'une pareille responsabilité. Vous me direz qu'une somme de cette importance ne se trouve pas du jour au lendemain. Cela serait juste si vous deviez vous en tenir à vos seules ressources. Mais ce n'est pas le conseil que je vous donne. Puisque vous n'avez pas pu payer jusqu'à ce jour, vous ne le pourriez pas davantage maintenant. Alors, je vous engage à vous adresser à votre mère. Mon Dieu, vous lui direz la vérité. Madame de Courcy sait comment une femme peut se laisser entraîner. De plus, vous pourrez lui dire encore mes exigences. Je vous y autorise pleinement. Chargez-moi. Représentez-moi comme un mari barbare, comme un ogre, comme un nouveau barbe bleue. J'y consens volontiers, si cela peut vous servir à obtenir d'elle la somme qui vous est indispensable. Car enfin, qu'est-ce que je demande? Que vous payiez ces dettes que je ne veux pas être exposé à payer moi-même un jour. Eh bien, il faut être logique avec ces désirs. Je vous donne donc carte blanche. Tout ce que vous ferez pour vous procurer cet argent, d'avance, je l'approuve. Votre mère peut très bien trouver cette somme. Il est vrai qu'elle s'est déjà gênée pour vous venir en aide. Mais ce qu'on a fait une fois, on la répète presque toujours. Que si Madame de Courcy est obligée de supprimer pour cela quelques-uns de ses dîners exquis, sans doute ce sera une extrémité fâcheuse. Mais enfin, elle ne perdra pas pour cela ses fidèles. Elle a assez de qualités charmantes pour retenir ses amis près d'elle autrement que par les séductions de sa cuisine. Vous m'avez compris, n'est-ce pas? Parfaitement. Un seul mot d'explication, je vous prie. Tout ce que vous voudrez. Si je ne puis pas payer ces différentes notes dans le délai que vous me fixez, qu'entendez-vous faire? Mon Dieu, une chose bien simple. Demandez aux tribunaux la réduction de ces mémoires, dont le chiffre, j'en suis certain, est exagéré dans des proportions insensées. si je paye moi-même, vous devez comprendre que je désire payer le moins possible, et je suis convaincu que les tribunaux feraient bonne justice de ces mémoires. Dites donc à un juge que la toilette d'une femme peut monter par an à 153 455 francs. Vous vous feriez cela parfaitement. Vous savez que je me soucie du qu'en dira-t-on comme de cela. Et ayant fait claquer son ongle contre ses dents, il sortit.